si en embrouille, j'ai mon pétard. S'il bouge, t'as fait faire le grand écart. J'ai vu trop de BDH dans mon décor. Évitons d'être servi vers le vieux port.